est un phénomène. L'or et platine. Ghetto phénomène. Ghetto phénomène. D'or et platine. D'or et platine. Ghetto phénomène. Ghetto phénomène. D'or et platine. D'or et platine. Ghetto phénomène. Ghetto phénomène. D'or et platine. D'or et platine. Ghetto phénomène. Ghetto phénomène. D'or et platine. D'or et platine. Ouais chaleur, ouais chaleur. Ils sont en chaleur, en chaleur. Ouais chaleur, ouais chaleur. Ils sont en chaleur, en chaleur. Ouais chaleur, ouais chaleur. Ils sont en chaleur, en chaleur. Ouais chaleur, ouais chaleur. Ils sont en chaleur, en chaleur. Lève d'une main la moto, je vais laisser la photo. Tu gères mon poteau, ma bête a touché le dos. Je fais du rap, je fais tout. Plein d'être rap, je nique tout. Viens faire le bisou. Tiens, fin, je te brise où. Ah, allez, banaliser. Ils veulent nous verbaliser. Je peux te dire que tu iras pas loin si ta caisse est balisée. Bienvenue dans le ghetto, je suis fidèle au poteau. Meloca, Meloco, de Marseille à Lyon. Les gens qu'on enterre peine quitter la couche. Que des numéros 9, on n'est pas sur la touche. On a quitté le poche pour un meilleur décor. Pour leur fermer leur bouche et reconnaître leur tort. Moi je t'emmène en voyage toute l'année. J'ai pété d'or et platine. Prépare tes bagages pour planer. Bientôt faudra partir. C'est pas même des terres, j'étais vu, tu savais qui faire le loup. J'fais du soin, moi sans soin. Cherche pas la mer, tu la trouves. Rien dans le move. J'aime quand t'es en chaleur. J'ai besoin de ton boule pour m'aider. Ton corps c'est pas de l'eau. J'ai hâte de toi de me noyer. Et encore un bello. Pourtant j'ai rien demandé. Elle me fait tourner, me tourner, me tourner, me tourner, me tourner, me tourner la tête. Elle veut que je donne tout, tout, tout pour elle. Mais bon, je lâcherai pas mes potes. Elle me détourne, me détourne, me détourne, me détourne, me détourne, me détourne, me détourne. Elle voudrait que je quitte tout pour elle. Mais je lâche rien. Ghetto phénomène. Ghetto phénomène. D'or et platine. D'or et platine. Ghetto phénomène. Ghetto phénomène. D'or et platine. D'or et platine. Ghetto phénomène.